Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Et oui, et là, nous sommes le cinquième samedi du mois, c'est magazine, mais c'est quand même Angle d'attaque. Et il est toujours midi sur Radio Campus. Et vous apprêtez à écouter Angle d'attaque sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur DAB+, en direct ou en différé sur campuslille.com. Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités d'attaque de la métropole lilloise, Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Une association d'éducation populaire altermondialiste. Pour ce jour-d'hui, 25 mars 2005, notre billettiste fameux Morgane, le rocker nouvelliste Didier, Quentin l'ingénieur cycliste et Quentin et Christian aux manettes, il fait ce qu'il peut pour faire oublier Florent, l'informaticien également cycliste. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Non pas de canon comme c'est la mode en ce moment, mais de canal. Et pas n'importe lequel. Le canal qui est censé relier Paris à Amsterdam et Rotterdam, pas le Havre, sans doute pour emmerder Édouard Philippe, qui parle du canal comme, je cite, « un projet démesuré d'une naïveté déconcertante, un gâchis économique et environnemental ». Vous voilà en bonne compagnie, Frêne, n'est-ce pas ? Frêne du soulèvement de Lille nous fait le plaisir d'être notre invité ce midi pour nous parler avec conviction et argument contre le canal Seine-Nord-Europe, puisque c'est son nom, CSNE. Bonjour Frêne, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Voilà. Eh bien, je vais passer la parole à Morgane. Oui, alors, donc on parle du canal Seine-Nord, mais en fait, à part de savoir que c'est un canal qui se balade quelque part entre la Seine et le Nord, ça ne nous avance pas beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, quelle ville ça concerne, par où ça passe, de quoi il est question, en fait, concrètement ? Oui, alors c'est un canal en fait qui s'inscrit dans plusieurs liaisons fluviales, mais celui-ci spécifiquement, il parle de Aubin-Cholobac, qui est une commune proche de Cambrai, et il va jusque Compiègne, donc pour rejoindre ensuite la Seine et le bassin parisien, donc sur un tracé de 107 km. Et sa spécificité, du coup, c'est son changement de gabarit. On va peut-être en revenir, mais en fait, il y avait déjà une liaison fluviale à cet endroit. Et l'idée, c'est d'augmenter sa taille pour répondre à des promesses sur lesquelles on reviendra probablement également. D'accord. Donc, le projet du canal Seine-Nord, c'est un vieux projet. Je me souviens, enfin, je viens de Cambrai, et effectivement, déjà, il y a plus de 10-15 ans, on en parlait déjà, mais apparemment, c'est encore bien plus vieux que ça. C'est un projet, j'ai envie de dire, tellement vieux qu'on pourrait plus ou moins le qualifier d'anachronique sur certains points. Est-ce que tu pourrais faire un petit retour sur l'historique de ce projet, justement ? Oui, bien sûr. En fait, déjà, il faut vraiment tout de suite savoir qu'il y a un autre canal qui s'appelle le canal du Nord, qui fait la même jonction. Hein. Le canal du Nord, lui, il a été pensé dans l'entre-deux-guerres, donc dans les années 30, et il a fini par voir le jour dans les années entre 60 et 70. Donc déjà, lui, il a mis tout un temps avant d'exister, et quasiment au moment même où il a vu le jour, commençait déjà à arriver les graines de ce nouveau canal. Au final, ça fait une trentaine d'années qu'il est réfléchi. Effectivement, les premières actions pour aller dans le sens de le mettre en place datent d'il y a 10-15 ans. C'est là qu'on a eu ce qu'on appelle le remembrement. Donc, les premières démarches, c'était de bouger les terres agricoles pour pouvoir rendre aux agriculteurs d'autres terres et libérer en fait celles qui étaient sur le trajet. D'accord. Une question de Quentin. Oui, un canal qui a été envisagé dans les années 30, à l'époque, c'était pas pour faire baisser le CO2. Il y avait un plan à l'époque, c'était... Dans les années 30, c'était justement le canal du Nord, c'était pour avoir cette liaison fluviale. À l'époque, elle existait très bas, ou en tout cas à petit gabarit. Et c'était surtout pour, il me semble, les échanges au niveau du charbon. Mais en fait, le temps qui voit le jour, c'est-à-dire les années 60-70, en fait, l'économie du charbon était déjà plus qu'elle n'était. Et du coup, c'est dommage. D'accord. Et là, du coup, où on en est au niveau du chantier, en fait ? Alors, pour le canal Seine-Nord-Europe, on en est sur la phase des travaux préparatoires. Ce qu'on appelle les travaux préparatoires, c'est pour préparer donc le terrain. Donc, tout ce qui est compensation dite écologique, donc redéplacer les zones humides. Mais aussi, on a dernièrement vu les premiers déboisements, donc les défrichements. Et on a quelques travaux, on a un travaux de pont qui est commencé. Et on a une route qui a été déplacée, mais c'est tout. Pour l'instant, on n'a que ça. On n'a pas du tout creusé encore de partie de canal. Les travaux ont quand même attaqué sur Compiègne, mais il n'y a pas de béton qui a été coulé. D'accord. Donc on parle d'un début de chantier qui a été validé depuis 2020-2022. C'est récent, le début des travaux, ou ça s'inscrit? Parce qu'on parle d'un projet du coup, qui date de fin des années 90. Enfin, pour situer les derniers travaux, c'est... Ah oui, ça date d'il y a maximum 2 ans. Hein. Ça fait 1 ou 2 ans qu'ils font les travaux, c'est tout. Oui, mais effectivement, il y a une vingtaine d'années même que le canal. Mais bon, on en parle vraiment depuis les années... depuis 2021, quoi. Mais ça pose effectivement un problème parce que l'idée est ancienne et les réalisations ont l'air de s'activer maintenant, quoi. Un peu bizarrement, quoi. Et du coup, on pourrait avoir des projets alternatifs à ce canal, parce qu'en fait, littéralement, si on résume ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a déjà un canal et on va recreuser un canal par-dessus. On y reviendra au moment de parler de l'économie du projet, parce que c'est vraiment intrinsèquement lié. Mais en fait, ce canal, il a pour but de faire le rejoindre l'axe nord-sud entre Paris et les Pays-Bas. Et en fait, il y a plusieurs réseaux de transport qui permettent de faire ces échanges. Donc effectivement, il y a le canal du Nord qui suit le même parcours et a été pensé d'ores et déjà, parce qu'il a un gabarit un petit peu spécial. C'est un gabarit pour des bateaux assez courts, mais par contre longs. Et donc, il a été pensé pour être dédoublé dans sa largeur et pour avoir 2 fois plus de débit. Donc lui, par exemple, il pourrait être amélioré et ce serait une alternative, sachant que ce trajet en lui-même existe. Et on a aussi tout le réseau de fret, où il y a beaucoup de marchandises qui circulait entre l'axe nord-sud et qui, lui, a besoin d'être rénové et réparé. Et c'est même en demande, mais comme il y a, encore une fois, les privatisations de ce côté-là aussi, c'est un secteur qui pourrait mériter justement d'être aidé et qui l'est pas trop. Et la troisième alternative, c'est un réseau de bateaux pour petits gabarits, c'est le réseau Fraissinet, mais qui, lui, plus pour tout ce qui est céréalier, sert tout le nord. En fait, céréalier, c'est la vocation du fluvial, en fait, très souvent, puisque les péniches transportent des matériaux de construction et des céréales. Donc là, on va leur proposer, aux péniches qui n'existent pas encore, d'après ce que j'ai compris, on va proposer de transporter des containers. C'est bien ça. Alors, en fait, ce canal, le but, c'est la mise au gabarit européen. C'est-à-dire que les bateaux qui peuvent passer par le canal du Nord actuellement ne sont pas au gabarit dit européen, c'est-à-dire que ce ne sont pas les grandes barges de Hollande. Mmh. En fait, l'intérêt idéal de ce canal, ce serait de faire passer des péniches assez larges pour pouvoir mettre des conteneurs sur 3 hauteurs. On y reviendra, mais l'idée, c'est dans l'idée d'une croissance, de développer et du développement du commerce de conteneurs, pouvoir en accumuler 3. Mais la question, c'est quelles sont les marchandises qui seraient concernées. En fait, le transport fluvial, c'est un transport qui est long. C'est un temps de transport d'à peu près 1 semaine, s'il me semble, pour passer d'un point A à un point B. Donc pour tout ce qui est alimentaire à durée courte, c'est pas envisageable. Et pour tout ce qui est livraison pour particuliers, c'est vrai qu'on veut plutôt des livraisons rapides de nos jours, compris entre 24 heures et 3 jours, mais en tout cas, ce serait un transport trop long. Donc les marchandises qui sont principalement envisagées pour le canal, ce seraient effectivement les céréales, mais aussi les matériaux de construction pour le BTP. Et on en parle un peu moins parce que c'est moins reluisant, mais les déchets. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu une espèce de mise aux normes, comme ça peut se passer à Anvers, à Rotterdam, enfin dans tous les grands canaux européens, quoi. C'est exactement ça. En fait, le but, c'est de pouvoir rejoindre le port de Anvers et de Rotterdam. Et entre autres, même si ça, c'est un axe du canal qu'on voit moins, mais ça permet aussi de passer outre éventuellement certains ports avec une contestation sociale acquise depuis longtemps, comme le Havre, pour pouvoir faire une grosse ligne droite directe avec les gros ports de conteneurs. On peut parler du coup plutôt de l'aspect économique et financier. Est-ce qu'un canal, ça rapporte de l'activité économique? Comment ça fonctionne? Comment c'est projeté? Alors, pour... déjà, il faut voir le budget à sa construction avant de voir ce que ça rapporte. Le budget est colossal. C'est compliqué de l'estimer clairement puisqu'il a eu plusieurs rebudgétisations. La toute première qui avait été faite par la Société du Canal en elle-même était plutôt au jour de 3 milliards. Ensuite, il y a une revalorisation, enfin une ré... pardon, excusez-moi, un recalcul, merci, on est passé plutôt aux alentours de 7 milliards, et ensuite il a été rebaissé, il y a des morceaux qui ont été enlevés, des plateformes multimodales qui ont été mises de côté, on retombait aux alentours de 4-5, et aujourd'hui on s'arrêterait plutôt aux alentours de 8 milliards pour le budget, donc c'est quand même très conséquent. Donc avant de voir s'il est rentable, il faut déjà voir ce qui coûte. Enfin, 8 milliards, on est quand même dans une période de coupe budgétaire phénoménale. Il faut le questionner. Oui, alors le 8 milliards est vivement contesté par Xavier Bertrand, le président de la région, qui s'est emporté le 21 mars pendant la session du Conseil régional en disant 8 milliards, mais pourquoi pas 30 milliards pendant que vous y êtes? Voilà. Et de toute façon, il ajoute quelque chose d'assez pourri pour un. D'assez inacceptable, je ne sais pas pourri, inacceptable pour quelqu'un qui brigue les instances nationales. Et de toute façon, tout dépassement sera payé par l'État. Super. Et de toute façon, le canal est financé par l'État, hein, en très grande partie. En fait. Voilà tout, hein, la grande partie. Oui, oui. Puisque pour appuyer la non-rentabilité du canal, il faut se rendre compte que les projections sur lesquelles les calculs ont été basés sont fausses et erronées. Et ça, ce n'est pas les différents collectifs qui le disent, c'est la Cour des comptes européenne qui elle-même a jugé les prévisions du canal comme étant fausses. Une seconde preuve de la non-rentabilité du canal, indépendamment de son coût, c'est que pour financer le canal, il y avait un partenariat public-privé qui avait été pensé et le projet avait été proposé aux entreprises Bouygues et Vinci et les deux ont refusé ce partenariat. Alors elles n'ont pas explicitement dit que le canal n'était pas rentable. Enfin, c'est quand même globalement des entreprises qui s'intéressent à ça. Donc leur rejet du projet, ça démontre aussi dans une certaine mesure que le canal ne sera pas rentable. Alors le chiffre officiel, c'est 5,3 milliards d'euros. Hein, donc l'Union européenne pour 2,1, l'État français pour 1,1 plus 0,8 milliards d'emprunt, pardon, et le 1,1 pour les régions Île-de-France, Hauts-de-France, départements, donc le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise. Voilà, c'est ça. Et un autre morceau qui est important, à comprendre, c'est que le canal Seine-Nord, c'est un morceau d'un projet plus grand. Qui s'appelle le Sanesco. C'est-à-dire qu'effectivement, le but, c'est de relier Paris à Anvers-Rotterdam. Et en fait, les 107 km ne comprennent pas la totalité du trajet. Il y a notamment un deuxième morceau qui est plutôt côté parisien, qui s'appelle le projet Mageo, et qui, lui, n'a pas été complètement financé, notamment au niveau de ces ponts. Il y a 21 ponts qui sont trop bas et qui ne permettent pas de passer sur trois niveaux de conteneurs et qui ont besoin d'être remontés, et dont le budget n'est pas validé. Donc même si en l'état, le canal Seine-Nord était construit, ça ne permettrait pas en fait, aux bateaux de passer. Apparemment, l'Europe s'en est aperçue qu'il y avait une interconnexion, et donc a ajouté 300 millions au pot pour justement avoir un mécanisme, je lis, hein, un mécanisme d'interconnexion en Europe. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Pour rendre la chose un peu plus visuelle, il me semble que c'est à peu près ça. C'est un conteneur, c'est 5 mètres de hauteur. Donc, 3 conteneurs, c'est 15 mètres de hauteur. Donc, en fait, l'intégralité des ponts pour assurer, par exemple, un déchargement à Dunkerque de marchandises qui peuvent redescendre jusqu'à Paris, c'est-à-dire que l'intégralité des ponts sur le tracé doivent être adaptés au passage d'une péniche qui porte 15 mètres de marchandises. Et il y a des questions aussi de largeur, du coup, d'écluses, etc. Donc, on est vraiment sur un chantier pharaonique et qui va au-delà de la liaison Cambrai-Compiègne. Oui, c'est le côté démentiel du projet qui est intéressant aussi, quoi. Les écluses, ils se vantent eux-mêmes d'avoir les plus grandes écluses d'Europe sur ce trajet, mais c'est un problème en soi, parce qu'en fait, les écluses, c'est une difficulté en plus pour les bateaux, et puis c'est un stock en eau, et on y reviendra peut-être dans une prochaine partie. Mais... Bien sûr. On peut passer à la partie suivante, si... Sur le, donc, bah oui, donc, on a commencé à en parler. Et j'ai sous les yeux, donc, le tract que j'ai récupéré devant le 21 mars devant le conseil régional. Le canal Seine-Nord-Europe, un projet inutile, destructeur et hors de prix. Donc elle a déjà entamé un peu les choses. Destructeur, pourquoi, Fren? En quoi le canal est-il destructeur? Il est destructeur puisqu'en fait, c'est vraiment important de comprendre que il n'apporte rien. C'est un projet qui se revendique écolo parce qu'il veut enlever les camions. Mais il n'y aura pas de, camions en moins. Je pense qu'avant de montrer ce qui détruit au niveau de l'écologie, il faut comprendre qu'il ne tient pas ses propres arguments qui le rendraient écolo. C'est-à-dire que les calculs pour le nombre de camions qui seraient enlevés selon la société du canal, on en serait à 1 million de camions en moins. C'est complètement fou en fait. C'est calculé sur une croissance exponentielle à 1,35% sur des années. Et c'est comme ça qu'ils retrouvent aussi leurs chiffres mirobolants en termes d'emplois. Et ces emplois sont moindres, le nombre de camions également. Et donc, à partir du... Bon, je ne sais pas si on creuse ou pas ces chiffres-là, si on a le temps, mais... On peut faire un parallèle, par exemple, avec Notre-Dame-des-Landes, où, en fait, on avait une justification du projet par une augmentation exponentielle du trafic aérien. Et, en fait, on ne questionnait plus le fait que cette augmentation, est-ce qu'elle allait vraiment advenir et est-ce qu'elle était vraiment souhaitable. Et donc, du coup, si je reformule, si je comprends bien, on dit que le canal sera très utile et qu'il permettra d'éviter beaucoup de camions parce qu'on aura une croissance économique très forte et une croissance de besoin de transporter des produits manufacturés par conteneur. Mais en fait, on ne se pose pas la question de dire est-ce que cette croissance, on en veut et est-ce que cette croissance, elle aura lieu. Cette croissance n'aura pas lieu, elle est déjà fausse. Hein. Les chiffres ont été calculés en 2006 pour 2024. On peut déjà statuer et effectivement regarder qu'ils sont faux. Et donc, à partir du moment où on a acté que de toute façon, les camions en moins ont été surcalculés et surtout ne seront pas repris en eau, puisque, encore une fois, il n'y a qu'une toute petite partie des marchandises qui peuvent être portées, comme on a dit, les céréales, etc. Donc, cette partie-là du volet écologique est faux. Maintenant qu'on a dit qu'effectivement, toute cette partie de camions qui serait enlevée et qui justifierait la côté écolo du projet est faux, il faut qu'on regarde quelles en sont les conséquences. Alors, les conséquences, c'est un remblai... phénoménal hein, en termes de terres enlevées, c'est 78 millions de mètres cubes. Alors c'est dur de se projeter, hein, c'est un gros chiffre. En fait, c'est plus de remblai que quand on a creusé le tunnel sous la Manche. Donc c'est des quantités... en fait, ils ne savent même pas quoi en faire. Hein. Ils proposent de faire des terris avec les remblais parce qu'ils vont en avoir trop. Enfin, c'est phénoménal. Et en termes de ressources en eau aussi, c'est très important parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils ne vont pas remplacer le canal du Nord par le canal Seine-Nord-Europe, ils vont garder les deux. Et l'Oise dans certains endroits. Donc non seulement il leur faut de l'eau pour alimenter le canal, mais en fait il leur faut de l'eau pour alimenter deux canaux et l'Oise. Et donc au niveau de la gestion de l'eau, bah, ça va causer un problème, parce qu'en plus on va vers des sécheresses, et notamment c'est dans la commune de Halène qui sont particulièrement touchées. Il y a une méga-bassine, mais méga-bassine c'est un terme presque insuffisant dans ces quantités-là, qui va être construite. En fait c'est une retenue de terre en U qui vient s'apposer le long d'une pente naturelle, dont le mur le plus profond, ce sera 43 mètres de haut. On parle de lac artificiel à ce niveau-là. On est vraiment sur des volumes... Ah oui, il y aura même un port de plaisance qui a été pensé pour redynamiser aussi cette eau en haut. Enfin, c'est vraiment... c'est 14... Non, de mémoire, il me semble que c'est 50 fois le volume de la bassine de Sainte-Soline. Enfin, c'est titanesque. C'est comme les grands lacs du côté de Haute-Marne, là, lac de Rayan et compagnie. Enfin, c'est... Pour alimenter la Seine, enfin, c'est un peu de cet ordre-là. Puis un port de plaisance, bon, c'est pas pour être désobligeant par rapport au potentiel touristique local, mais bon, ça semble aussi un petit peu étrange. Ben oui, dès qu'il y a de l'eau. On va laisser la parole à Quentin pour une chronique. Oui, je voulais faire un petit détour parce que le sujet du jour pose une question importante. Pourquoi des associations militantes comme ATTAC et des associations qui ont des valeurs écologistes s'opposent à un projet de transport fluvial? Dans l'idée, c'est étonnant parce que le transport fluvial, par définition, c'est écologique. En effet, le transport fluvial, même si c'est des gros moteurs diesel de bateaux, bah, ça permet de transporter des masses de marchandises très importantes sur des distances moyennes, le tout avec moins de nuisance que le transport routier. En plus, on peut mettre des petits pistes cyclables, des marinas, des choses comme ça, ça fait très écolo. Alors, qu'est-ce qu'on a à redire dessus? On va prendre le temps de discuter de qu'est-ce qui est écologique, en fait. L'objectif, c'est nos activités humaines doivent moins impacter l'environnement dans lequel nous vivons pour pouvoir continuer à y vivre dans de bonnes conditions sur le long terme. L'écologie, c'est entendu comme questionner nos usages, nos aménagements, nos pratiques pour rester dans des limites planétaires. Et il y a plein de choses qui sont derrière ça. Il y a l'impact sur la biodiversité, la composition de l'atmosphère, nos polluants, la composition des océans, etc., etc. Donc l'idée à terme, c'est de mettre en place des politiques, des pratiques, des aménagements du territoire qui nous aident à baisser l'impact de nos activités sur notre environnement. Mais mettre en place certains éléments, ça a un impact. Là, on parle d'un canal géant à creuser. Est-ce que ça, cet impact-là, on peut mesurer par rapport à ce qui permet de gagner ? Bon, alors, c'est un peu compliqué si on parle de péniche, mais on va reprendre le bus. Le bus, c'est écologique aussi. Hein. Moi, si je vous dis « je prends le bus », vous vous dites « c'est quelqu'un qui utilise des moyens de transport écologiques ». Mais imaginons qu'on souhaite faire une ligne de bus qui relie Lille à Cambrai. Ouais, on va dire Cambrai parce que c'était une des villes du projet. Et pour que les bus soient plus efficaces possible, on leur fait leur propre voie. Comme ça, il ralentit jamais, on ne consomme pas les plaquettes de frein, on fait un bus à aérodynamique, on fait un bus à deux étages, tout ce que vous voulez. Mais au final, si cette ligne n'est pas très utilisée, si elle transporte que quelques dizaines de passagers par jour, est-ce que c'est utile de faire tourner plusieurs bus tout au long de l'année pour ça ? Est-ce que le bus, qui dans l'idée est un moyen de transport écologique, permet de faire de l'écologie ? Si on a un aménagement spécifique, si on a le goudronnage, on a rasé des forêts, et on a la concurrence avec le train, parce que le train était déjà présent pour faire ce trajet-là, on a peut-être l'effet rebond de gens qui vont travailler à Lille alors qu'elle vit à Cambrai, donc créer des déplacements qu'elle ne faisait pas auparavant. Donc du coup, si on compte tous ces effets, et surtout le possible sous-emploi, c'est-à-dire on va créer quelque chose de gigantesque, mais il faut qu'il soit utilisé de façon énorme pour qu'on puisse dire « Ok, on a réellement gagné quelque chose à faire tout ça ». Et bien du coup, c'est ça qui permet d'affirmer que le projet est écologique. Et du coup, c'est pas juste parce que c'est du fluvial que c'est écologique. Et quand on parle d'un canal avec des investissements à 10 chiffres, avec un chantier qui peut durer une décennie et qu'on ambitionne de faire fonctionner pendant au moins un siècle, il faudrait bien être prudent et démontrer plus qu'à l'habitude la pertinence du projet. Il ne faut pas s'arrêter à la logique qui dit que si c'est fluvial, c'est écologique, et il faut se demander concrètement quelle intensité d'usage permet de justifier un pareil projet. On pourrait même déborder la question, on l'a déjà un petit peu fait, en se demandant quelles marchandises à transporter mériterait qu'on investisse sur des péniches géantes à 3 étages de conteneurs. C'est où, à mon avis, c'est pas pour favoriser la production locale. En effet, on va pouvoir reprendre effectivement la conversation avec Fren, des amis... Soulèvement. Avec les arguments juridiques, peut-être, puisque il semblerait que les arguments juridiques sont assez favorables, complètement d'ailleurs, favorables au canal. Alors, j'ai quelques preuves de ce que j'ai entendu donc dans le conseil régional du 21 mars. Avis favorable de la commission locale de l'eau, avis favorable de la commission d'enquête publique, avis favorable de la commission de la protection de la nature, en fait, et puis bien sûr, les avis favorables de toutes les instances démocratiques qui ont débattu et accepté le canal, à savoir les régions et les départements, et puis voilà, quoi, c'est... Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses comment tu luttes contre les arguments juridiques, précisément ? Parce que c'est con de lutter contre les arguments juridiques. Alors, au niveau de la justification du projet, en tout cas, si c'est la question, il y a un recours juridique, en effet, qui est en train d'être porté par plusieurs associations, notamment Protection du territoire Sanesco et Nord Nature Environnement. Il y en a un qui était banalé, déjà. Oui, voilà. Et en fait, un des problèmes avec ce projet, c'est qu'il a été reconnu d'intérêt public en 2006. Et cette reconnaissance d'intérêt public, en fait, elle passe outre tout un tas de normes écologiques qui normalement devraient s'appliquer, puisque du coup, on le fait pour l'intérêt, encore une fois, général. Donc c'est très compliqué de lutter contre. Et en fait, comme cette autorisation, elle date, elle mériterait d'être remise en question, mais elle ne l'a pas été. Alors qu'on vit dans une situation beaucoup plus compliquée et on comprend beaucoup mieux la question écologique depuis ces dernières années. Et donc, notamment par rapport aux autres luttes qui ont pu avoir lieu, par exemple comme la 69, etc., mais je crois qu'ils avaient le même problème, c'est que c'est beaucoup plus dur d'aller défendre des normes écologiques une fois que ce projet a obtenu ce label. Parce que notamment, il y a 300 espèces, je crois. Il faut que je vérifie, mais 300 espèces. C'est le chiffre que j'ai entendu, oui, voilà. En effet. Qui ont obtenu une autorisation de détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de déplacer. C'est-à-dire que c'est OK de détruire les espèces qui étaient présentes à cet endroit. Puisqu'encore une fois, c'est pour l'intérêt de tous. Même chose pour toutes les compensations, en fait. C'est-à-dire que normalement, quand on fait ce genre de projet, c'est important de mettre en place des compensations qui vont venir, entre guillemets, rééquilibrer les dommages qui sont faits. Mais là, encore une fois, c'est un petit peu fumeux ce qu'ils ont mis en place. Enfin, donc, effectivement, ils ont déplacé les zones humides, mais bon, c'est pas évident de déplacer une zone humide. Il y a tout un écosystème qui est en place, et si on détruit un écosystème et qu'on remet de l'eau à côté, ça veut pas dire que l'écosystème se déplace. Et surtout, en fait, ils ont utilisé ça pour un peu entraîner les populations locales. Une des compensations qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle l'opération nichoir. Donc, ils sont allés voir tous les habitants de la zone en leur proposant d'installer chez eux des nichoirs et d'observer si des oiseaux s'installaient. Et ça, par exemple, c'est une des compensations. Bon, alors, ils sont quand même attaquables, puisque normalement, ces compensations-là, on est censé avoir fini de les installer avant de détruire. Et sur ce plan-là, ils ne sont pas tout à fait au jus, et donc c'est comme ça qu'il y a ce recours juridique qui peut être porté. Je n'hésite pas, je ne peux pas hésiter. Là, j'ai entendu le rapporteur donc, pour la partie de droite donc, du Conseil régional. La compensation, c'est exemplaire. On a commencé le chantier par des mesures compensatoires. C'est exceptionnel et remarquable. Je vous invite à prendre connaissance du cycle national de l'eau. Voilà, donc tu parles de zones humides, effectivement. Il s'agissait de ça, certainement, mais il n'en dit pas plus. Hein. Il est très content, mais on ne sait pas pourquoi. Très bien. Continuons donc l'interview là-dessus. Donc, on a déjà parlé pas mal de péniches et de camions. Les péniches, on sait ce qu'elles transportent. Mais du côté décarbonation, est-ce que vous avez des chiffres vous avez chiffré la décarbonation, puisque... A priori, effectivement, le fleuve, c'est beaucoup plus écolo que le camion. Mais encore une fois, en fait, il faut se rendre compte de comment étaient pensés ces chiffres-là. Oui, moi, je voulais rebondir aussi sur le fret ferroviaire, ouais. Qu'il ne faut pas oublier, qui a un impact CO2 comparable au fluvial et qui n'a pas besoin de détruire l'environnement, qui aurait besoin peut-être de modernisation, d'investissement de matériel roulant, il y a plein de choses à faire, mais ça ne demande pas une modification aussi grande de l'environnement que le canal. Oui, alors en plus, le fret ferroviaire, il faut savoir qu'on a un système ferroviaire en France qui est quasiment unique en Europe. Hein. Didier, tu voulais dire quelque chose ? Non, juste sur le fret ferroviaire, on avait eu un meeting justement sur l'opposition au canal de Seine-Nord avec... il y avait les bateliers et il y avait aussi quelqu'un de la SNCF qui nous avait parlé justement de l'intérêt du fret ferroviaire, bon, qui est de plus en plus délaissé, qui est en voie de privatisation. Donc c'est quand même, là aussi, par rapport aux moyens de transport et à l'écologie, c'est quand même une question extrêmement importante. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette lutte-là spécifiquement, c'est qu'en fait, c'est porté pour l'instant par des collectifs plutôt orientés écolo, mais en fait, c'est le moyen aussi de montrer que bah, les limites du capitalisme, ça impacte tout le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ces 10 milliards, ils sont financés en argent public et du coup, ils ne vont pas impacter que la biodiversité. En fait, c'est un argent qui, dans cette période, va être retiré aux hôpitaux, aux écoles et à tous les services en local. Les emplois qui sont proposés, c'est principalement dans la logistique. Et c'est un milieu qui est très connu pour être difficile, avec des milieux précaires. C'est vraiment un travail qui est compliqué. Mmh. Et même au niveau des syndicats, effectivement, on commence à avoir des appuis et ils s'investissent dans la lutte, puisque en fait, c'est un projet qui se fait au détriment du fret, mais au détriment même des bateliers, puisqu'en fait, ouais. Pour finir les travaux, le canal va être fermé 2 ans. Oui. C'est déjà un travail qui était dur à garder et à maintenir. La batellerie, elle ne se porte pas très bien. Il y a une perte d'emploi. Et avec cette fermeture pendant 2 ans, ça veut dire qu'on veut dire à tous les gens qui travaillent en fait déjà sur cette liaison d'aller travailler ailleurs et de se reporter et de se mettre en concurrence sur d'autres réseaux. Donc non seulement ça va être très compliqué de créer des emplois de bateliers sur ce canal, et en tout cas bien moins que les 2000 emplois qui promeuvent en emploi direct en création sur le canal, alors que pour l'instant il n'y en a déjà que 4000, mais même pour les gens qui travaillent, les bateliers ne sont pas tous en accord avec ce projet. Mmh. Ils préféraient effectivement une mise au gabarit ou repenser le fluvial autrement pour effectivement le redynamiser, mais même si on n'est pas d'accord sur tous les points, c'est quand même un projet qui cristallise beaucoup de luttes diverses et variées et qui peut permettre de restructurer le militantisme au sein de toute la région du Nord. Donc, en fait, le canal du Nord leur satisferait, non ? Pardon ? Le canal du Nord à l'ancienne satisferait peut-être, non ? Après, on n'a pas les échos de tous les bateliers, donc je ne vais pas prendre la parole pour les bateliers, je n'ai pas le recul, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui nous ont expliqué qu'il y a des avis divers. On n'a pas un seul son de cloche par rapport à ce projet. Certains, effectivement, veulent un meilleur canal du Nord. D'autres pourraient vouloir le canal Seine-Nord Europe, mais en tout cas, la manière dont il a été pensé actuellement, les coûts qu'il engendre pour les fausses promesses d'emploi qu'il amène, tout en faisant concurrence aux frettes, il y a quand même beaucoup de dissonance à ce niveau-là. Y a pas de... En fait, les gens, même quand on va au contact des habitants, sont régulièrement contre ou en tout cas mitigés sur la manière dont ils s'appliquent. On n'oubliera pas quand même la Confédération paysanne aussi qui est vent debout contre le canal. Quelqu'un, non ? Une question non, j'anticipe juste un peu sur la troisième partie, mais bon, d'après ce que tu dis, donc c'est, enfin, il existe l'Alliance écologique et sociale, donc qui essaye de fédérer des syndicats, des associations. Bon, c'est un peu le côté fin de mois, fin du monde. Enfin, c'est un combat qui peut unir justement, qui peut fédérer les associations écologiques, environnementales et les syndicats et les associations plus sociales comme attaque, quoi. Non, mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein. On a une vraie convergence d'élus, ce qui est en train de se mettre en place. Et surtout, c'est compliqué à penser, puisque ça implique de se fédérer sur, encore une fois, 107 km, voire plus, si on inclut le projet du nord de l'Europe. Mais d'un autre côté, c'est un moyen aussi de rassembler des gens et de faire ce qui est en train de se passer au niveau mondial, en fait, de remélanger social et écologie, ce qui est absolument nécessaire. En fait, l'écologie ne peut pas faire sans le social et inversement. Et sur ce projet-là, c'est vraiment un projet où on le sent. Et effectivement, donc, il y a divers syndicats. On a eu la FSU qui est venue effectivement à plusieurs regroupements. Alors après, pour la Confédération paysanne, en fait, effectivement, ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont le combat s'est fait en deux temps. Et sur la partie remembrement, excusez-moi, des terres, ça s'est effectué il y a 10-15 ans. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas la vision en même temps pour tout le monde. Mais oui, il y a des paysans qui se voient leurs terres déplacées et remises dans des coins. Ou potentiellement, effectivement, avec l'augmentation des inondations que ça va créer, en fait, cette artificialisation, ça ne les arrange pas du tout. Avec des terres qui n'ont pas forcément un rendement comme ce qu'ils pouvaient avoir, enfin, quelque chose de beaucoup plus aléatoire ou imprécis, non ? Après, il me semble, mais je ne suis pas certaine, qu'effectivement, au niveau du remembrement, il y a un peu des vainqueurs et des perdants. Donc, en fonction d'à qui on parle, on n'aura pas forcément toujours le même son de cloche. En fait, il y a certains territoires, notamment, qui sont vraiment très, très impactés, quoi. C'est effectivement Allen, c'est là qu'ils ont toute la grande bassine, mais dans les territoires où ils vont avoir le plus de difficultés avec le canal, il y a la commune de Ittre, où en fait le canal il vient couper une nappe phréatique en deux, et ils ont une tranchée d'une profondeur de 40 mètres, et en fait potentiellement ça va abîmer la perméabilité de la nappe. Donc bon, déjà c'est un drame pour les habitants, mais même en fait dans cette région-là, le remembrement il a été plus difficile, puisque du coup tout est très morcelé, quoi. Ça, c'était contesté par Xavier Bertrand. Il n'y a pas de nappe phréatique exploitée pour alimenter la bassine. On peut fermer les yeux, mais je pense que les habitants pourraient statuer qu'elle est là. Hein. Si tu veux. Hein, c'est, pas... c'est un autre sujet, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé. Je me permets, parce qu'on a un petit peu de temps. C'est la consommation d'eau du canal. Une des prétentions des promoteurs du canal, c'est que ce qui consomme le plus d'eau pour le canal, ce sont les écluses. Et ils vont utiliser un système de récupération d'eau dans les écluses qui permet de limiter la consommation d'eau. Après, il reste qu'il y a le remplissage du canal qui va demander de pomper de l'eau quelque part. Et il y a l'évaporation, l'exposition au soleil, il y a quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là ? Oui, effectivement, ça va consommer beaucoup d'eau. Et encore une fois, il faut se projeter dans le fait que... initialement, on pense qu'il y aura un canal, mais des fois il y a trois canaux. Hein. Il y a l'Oise, encore une fois, le canal du Nord et le canal Seine-Nord Europe. Donc, quand on connaît les besoins en eau, ça fait beaucoup d'eau à porter. D'où cette fameuse giga-méga bassine, grande comme 50 fois celle de Sainte-Soline. Mais pour pas reproduire ce schéma-là, de toute façon, il me semble qu'il était envisagé de faire quasiment une bassine, alors soit-ci de taille beaucoup plus petite, par écluse. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, cette eau qui est récupérée, qui n'est pas pompée dans les nappes phréatiques, puisque du coup, la société du canal s'est engagée à ne pas pomper dans les nappes phréatiques, mais si c'est pour absorber toute l'eau qui tombe du ciel et qu'elle n'infiltre pas les nappes, alors certes, ça ne va bien pas prélever de la nappe, mais c'est quand même de l'eau qui, normalement, aurait servi à irriguer les sols. Et donc, ça participe de cette imperméabilisation des sols qui augmente, encore une fois, hein, les inondations. C'est-à-dire que c'est pas parce que... les inondations, c'est pas qu'il y a trop d'eau. Les inondations, c'est que les sols sont trop imperméables. Et si on continue de prélever l'eau en disant que, mais oui, bien sûr, on en a assez pour pouvoir se permettre des nappes, eh bien, c'est aller dans ce sens de la fragilisation des écosystèmes et de toutes les crises qui vont avec. Et c'est un terrain qui est déjà touché par tout ça. On peut ajouter aussi sur la question de l'eau, la question des sécheresses, parce qu'on a du coup la récente sécheresse de 2022 qui était très marquée. Sur l'historique du canal, de ce que j'ai pu consulter, ils disent qu'ils sont capables de tenir la sécheresse de 76, qui était une sécheresse historique qui avait alimenté les débats déjà a priori sur les premières estimations du canal. Mais la question, c'est demain, quelle fréquence pour les sécheresses, en fait? Bah, c'est la question, surtout que... En fait, sur ce point-là, c'est pas très clair ce qui est prévu. Il y a un moment donné, il y avait une seconde giga-méga-bassine qui avait été pensée et étudiée, mais finalement, ils sont revenus dessus. Il n'y a pas vraiment encore de chiffres très, très précis. Mais de toute façon, on ne va pas vers une intensification des flux des rivières. Hein. Il me semble que dans toutes les parties du nord de la France, c'est plutôt moins 25% sur le débit. Et donc, si on diminue de moins 25% le débit de l'Oise, en fait, où va aller l'eau? Il y en aura moins dans les rivières, moins dans les champs, moins dans les bassines. Et au bout d'un moment, ce canal, on ne pourra pas garder les trois et ils finiront plus en eau. Oui, ça commence à faire beaucoup de questions quand même sur ce canal bon, actuellement. On a évoqué un peu l'histoire des ponts pour laisser passer les péniches à trois étages. Et curieusement, j'ai entendu que la rentabilité était à trois étages, justement. Et j'ai entendu également au conseil régional que, après tout, avec deux étages, c'est en plus. On parle de couches d'ailleurs, on appelle ça des couches. Deux étages, ça suffit pour être rentable. Qu'est-ce qu'on en pense là chez vous? Non, mais c'est faux. En fait, ce canal ne peut pas être rentable. C'est impossible. Donc, il n'était pas rentable de toute façon. Non, mais à trois étages, effectivement, c'est ce qu'ils ont annoncé pour atteindre la rentabilité. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est une rentabilité qui est atteinte dans un paradigme où on reste sur cette croissance exponentielle à 1,35, ce qui n'est pas possible. En fait, de toute façon, la rentabilité du canal, ça s'appuie aussi sur, toujours dans cette logique de croissance, le quadruplement du transport de conteneurs. Le quadruplement du transport de conteneurs routiers n'est pas possible, en tout cas, même sur la 1 actuellement. Et du coup, il faudrait donc construire tout un tas de plateformes multimodales et de camions qui vont faire le pont, en fait, entre ces différents points de transfert de marchandises sur le canal. Et cette croissance, ils l'appliquent partout. C'est-à-dire que même au niveau des céréales sur la production agricole, ils appliquent cette croissance, alors que il suffit de voir effectivement les chiffres de production des céréales. C'est pas en hausse, les champs peuvent pas magiquement faire de la croissance, et bien au contraire en fait. Ils commencent à subir les pertes en fait liées à l'artificialisation des sols. Donc en fait, toutes les projections sur lesquelles reposent les chiffres du canal restent dans un contexte de croissance qui est déjà aujourd'hui démontré comme faux. Ce qu'on avait visualisé aussi, alors... C'est difficile pour les auditeurs, mais il faut s'imaginer une carte avec les ports des Pays-Bas et Paris. Et on avait parlé du Havre en début d'émission, c'est que en fait la mer peut concurrencer le canal. C'est le plus rigolo, je trouve d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et s'il reste un petit peu de temps, je voudrais vraiment revenir sur cette histoire d'emploi, si je peux, parce que pas de problème. C'est important à comprendre parce que. On parle d'écologie ici, mais l'argument principal pour ce canal, c'est l'emploi. Et en fait, il faut vraiment faire le pont avec les luttes sociales. Et pour moi, c'est par ce biais-là qu'on y arrivera. Les promesses d'emploi du canal, c'est 45 000 emplois en 50 ans. Comment est-ce qu'on arrive à 45 000 emplois? C'est 6 000 emplois directs à la création du canal. Donc ces 6 000 emplois, c'est vraiment les emplois de départ. Et ça, on les a, les chiffres, sur la société du canal. Pour l'instant, ils sont à 600, hein, toujours selon le rapporteur de Xavier Bertrand. Oui, mais en tout cas, si on construisait le canal Seine-Nord-Europe, on passerait hypothétiquement à ces 6000 emplois. Oui. Mais en fait, c'est vraiment des emplois qui, pareil, sont largement surestimés. Ces emplois seraient divisés donc, de 2000 en batellerie, mais comme on expliquait déjà tout à l'heure, actuellement, dans le métier de la batellerie, en France, il y a 4000 emplois, donc ça veut dire plus 50%, oui. Alors qu'on imposerait des fermetures de chantier pendant 2 ans. Et sur la partie logistique, qui concernerait 3200 emplois des 6000, donc quand même une large partie, les chiffres d'emplois par hectare des plateformes logistiques qui seraient mises adjacentes au canal sont délirants. Si on prend le port de Liège, par exemple, qui est un des ports les plus concurrentiels d'Europe, on va avoir 5 emplois à peu près par hectare. C'est 10 qu'ils ont pris comme chiffre pour s'appuyer pour le canal Seine-Nord-Europe. Et si on prend un port français plutôt, on est plutôt aux alentours de 1,2 emplois par hectare. Donc c'est-à-dire presque 10 fois moins que ce qui est annoncé. Donc c'est-à-dire que la promesse d'emploi qui est vraiment ce qui fait tenir, et c'est comme ça qu'ils promeuvent ce projet, est faux. Et donc si on remet le prix du canal par rapport au nombre d'emplois créés, tout ça en s'appuyant sur des camions hypothétiques qui n'existent pas, indépendamment même de l'écologie, socialement, c'est un désastre économique pour la région. Et au-delà de ça, viennent s'ajouter donc les dépenses en eau, l'artificialisation des sols, etc. Oui, alors, j'hésite pas encore une fois, Xavier Bertrand, hein, mais n'allez pas croire ce que vous ne croyez pas, mais c'est vrai qu'il s'est emporté pendant cette histoire d'emploi en disant « on avait dit 30 000, mais je suis preneur à 15 ». C'est quand même énorme, enfin, c'est pas sérieux de dire des choses comme ça. Et puis on a aussi le double paradoxe de l'efficience, c'est-à-dire que si demain on a des péniches plus grandes, on aura besoin de moins de péniches, donc moins de bateliers, même si le volume grandit de façon monumentale par rapport au volume de marchandises transportées aujourd'hui, bah, une seule péniche de 3 étages transportera l'équivalent de, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais de beaucoup, beaucoup de péniches actuelles. Et donc, du coup, on n'aura pas forcément mécaniquement besoin de plus de bateliers. Et l'autre paradoxe, c'est le paradoxe de l'efficience, c'est-à-dire on dit qu'on va créer une nouvelle activité qui va créer beaucoup d'emplois, sauf que ce beaucoup d'emplois, eh bah, c'est des frais pour le fonctionnement du service. Et donc, en fait, les gens qui vont mettre en place ce service vont se débrouiller pour limiter au maximum les frais que coûte le service. Et donc, du coup, quand on a des grandes promesses, bon, c'est assez typique des sociétés de la Silicon Valley, type Google, à chaque fois qu'il dit « je vais arriver, je vais vous créer 300 emplois », on se rend compte qu'au final, ils en créent 25. C'est qu'en fait, quand réellement, on arrive sur le concret et qu'on arrive à dire bah, « en fait, il faut faire cette tâche-là et on a besoin de, comment dire, de créer une entreprise à l'échelle du besoin, eh ben on ne va pas du tout recruter 1000 personnes pour le faire, parce qu'en fait, 100, 150 suffisent. Didier, juste, oui, sur... Enfin, je ne vais pas vouloir... je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais bon... Merci. Et ni l'avocat de Xavier Bertrand qui avait eu des propos dans ce sens. Mais bon, on parle quand même du canal Seine-Nord, enfin, tu l'as dit, depuis quand même pas mal d'années. Pourquoi une mobilisation si tardive? Je veux dire, il y avait quand même des signes dès les années... enfin, je parle pas des années 90, mais des années 2000, ça commençait à faire un peu de bruit. Et là, on a l'impression que la mobilisation a bien commencé, mais enfin, elle est quand même assez fraîche, quoi. Il y a eu des premières mobilisations, effectivement, au moment du remembrement, du côté des agriculteurs, mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'étaient pas forcément en force. C'est compliqué à mettre en place, en fait, une mobilisation de cette ampleur sur un tracé aussi long. Donc, certes, elle vient de commencer, et peut-être on pourrait se dire que c'est tardif. Après, ça n'empêche pas l'arrêt du projet, hein. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire et c'est ce qui peut se faire passer. Si on regarde ne serait-ce que la 69, où là, il vient d'avoir effectivement un recours pour arrêter les travaux alors que les travaux étaient bien attaqués. Là, ils sont à peine attaqués, alors qu'on rappelle que c'est un projet dont le budget n'est pas bouclé, qui va coûter environ une dizaine de milliards dans une période où on cherche des milliards, en fait. Et on est prêt à prendre dans les caisses des retraites, de l'école, pour pouvoir les trouver. Et donc... peut-être qu'il faut remettre en question ce projet dont les dépenses commencent à peine. Et ensuite, on, encore une fois, au niveau des combats écologiques, on avance. Même les méga-bassines, il y a, en recours juridique, il y a eu plein de décisions qui ont permis, l'arrêt. Hein. Et quelles sont les prochaines étapes dans cette lutte, enfin, si tu peux en parler, je suppose qu'il y a des moments forts, des... Alors, prévu, non ? Oui, il y a un rassemblement et une fête de l'eau qui est en train de s'organiser. Je valide pas la date parce que le dépôt en préfecture est en recours pour annoncer pour annoncer le rassemblement. Donc on reviendra, mais ce sera courant mai. Et sinon, les deux autres dates clés qui vont un peu structurer forcément des moments de politisation au moins de cette lutte. C'est les deux procès qu'il y a eu, parce qu'il y a eu une action d'occupation symbolique d'arbres devant la société du siège de la société du canal à Compiègne, qui a fait suivi d'interpellations et ensuite de deux procédures judiciaires, excusez-moi, qui auront lieu respectivement les 20 mai et 26 août. Et donc, du coup, ce sera deux temps forts de la lutte. D'accord. Voilà. Entendu. Eh bien, ce sera le mot de la fin, un peu triste. Oui, il y a quand même eu quelqu'un d'arrêté le 21 mars, il me semble, non ? Il y a eu deux personnes, ouais. Ouais. Le 21 mars, il y en a eu une, oui. Oui, et alors, on sait. Je suppose qu'elles ont été relâchées, parce que vous avez bienvenu. Bon, d'accord, quand même. Bien, chers auditeurs et auditrices, merci. Vous pouvez remercier Fren de ses explications abondantes et claires pour. Argument contre le canal. Je pense que ce n'est pas du tout étonnant. D'ailleurs, Quentin l'a dit, ce n'est pas du tout étonnant de voir des associations comme la nôtre, ATTAC, rejoindre des combats, dans l'AES aussi d'ailleurs, avec le soulèvement de la Terre. Voilà, je vais passer à la pause musicale. On va écouter les Goguettes. Lorsque je suis arrivé sur cette planète, l'écologie était encore une idée abstraite. Et mes parents, des gens charmants au demeurant et de gauche sans complexe, n'avaient pas encore adopté tous les réflexes. Ils ne triaient les déchets qu'à moitié, et arrosaient le gazon sans se poser de questions. Étaient contre le nucléaire, mais zappés d'éteindre les lumières. Étaient anti-OGM, mais on en mangeait quand même. Ils disaient les marées noires, y en a marre, mais ne voulaient pas savoir ce qu'ils mettaient. Mon père m'avait dit pourtant, j'arrête le Roundup au printemps, je vais voter pour les Verts, m'a dit à Noël ma mère, Noël ma mère. Il y a un jeu de mots dans la chanson. Lorsque j'ai débarqué à Paris, un peu plus tard, j'ai pu mesurer combien j'étais en retard. Et mes potes qui eux étaient à la pointe en furent à tel point perplexe que j'ai vite adopté tous leurs réflexes. Je fais mes courses à la Biocoop, c'est le top. Je limite mes emballages, c'est plus sage. J'ai 7 packs de tri chez moi, mais ça va. Faut juste que je cogite 30 minutes avant d'oser jeter un truc. J'ai arrêté le shampoing, ça me va bien. Encore mieux que les toilettes sèches, je me suis installé une douche sèche. J'allume mes clopes au silex, c'est complexe. Et je garde mes épluchures pour en faire des confitures. Je me déplace qu'à bicyclette, que c'est chouette. Même si je mets 2 semaines et demie quand je veux aller en Normandie, mon chauffage et mon frigo fonctionnent à la dynamo. Et je récupère l'eau de mon bain pour me faire un café le matin. Mais depuis que j'ai lu un traité de collapsologie, j'ai dû reconnaître qu'à nouveau j'avais rien compris. Puisque de toute façon tout va s'effondrer, autant ne pas trop se creuser le cortex. J'ai vite abandonné tous mes réflexes. Désormais j'ai pris le pli, je fais plus le tri. C'est un peu dur au début, mais peu à peu on s'habitue. On va laisser continuer les Goguettes et on va reprendre l'émission avec les actus d'ATTAC et donc forcément Didier. Oui, sur les actualités d'ATTAC, donc on commence par le national. Donc il y avait ce fameux conclave conclave organisé par Monsieur Bérou. Donc, c'est abemus que dalle, puisque j'apprécie beaucoup. Le pape n'est pas sorti, mais on n'a rien. Le conclave de Bérou, donc sur la réforme des retraites de 2023, n'aura finalement été qu'un rideau de fumée. La manœuvre visait à obtenir la neutralité du PS pour le vote du budget. Donc, enfumage confirmé, titre Attaque nationale sur son site. Pas mieux à dire. Voilà sur le Figaro Magazine. Donc, c'est un hebdomadaire ultra-réactionnaire, on peut le dire, qui fut un temps la voix de la nouvelle droite. Bon, ils n'aiment pas Attaque, hein, mais bon, tout le monde ne peut pas nous aimer. On s'en doutait un peu, mais c'est plus clair dans un article datant de novembre 2024 où il assimile notre association au communautarisme, tout de suite les grands mots, qui serait lié aux frères musulmans. Donc, en gros, c'est islamo-gauchiste, pourquoi pas djihadiste, qu'on y est. Donc, l'association néanmoins porte plainte en diffamation contre un journal à ne pas lire et surtout à éviter. Oui, absolument. Alors, la manif du 22 mars, c'était il y a une semaine. Attaque a été très active pour la manifestation antiraciste contre le fascisme, la répression et pour les libertés publiques du samedi 22 mars dernier. Une grande réussite et des raisons d'espérer, donc dans un climat quand même délétère, entretenu par le couple Darmanin-Retailleau. Le tandem, marions-les. Trois jours avant, avait eu lieu le lancement de l'Observatoire national de l'extrême droite, dans lequel Attaque a bien l'intention de s'investir. Et on part pour le sud avec la 69, dont on a déjà un tout petit peu parlé. Les bonnes nouvelles étant assez rares, on va en profiter. Et du coup, Attaque se félicite encore dans un communiqué de l'arrêt décidé par la justice de la construction de la 69. Après une bataille juridique à rebondissement, le comité local du Tarn, actif dans cette bataille, nous transmet son communiqué de victoire. On répète que cette victoire n'est pas définitive, qu'il conviendra de ne pas relâcher la pression et les mobilisations. Les écureuils sont priés de ne pas trop s'éloigner. Observatoire, toujours en ligne, l'observatoire de la justice fiscale pour tout comprendre sur le rôle de l'impôt et des finances publiques, un site utile pour argumenter et expliquer sur le pognon de dingue qui échappe à l'impôt, un pognon de dingue que Macron voyait plutôt dans les minima sociaux, question de point de vue. On pourrait aussi évoquer les effacements de factures fiscales. Ouais. Économie de guerre, la pétition non à la caisse sociale au profit de l'économie de guerre a remporté un vif succès. Elle a été lancée par Convergence des services publics et signée par des syndicalistes et des personnalités d'Attaque. Vincent Drezet, l'un des porte-parole, en tête. Une économie de guerre qui permettrait de mettre sous le tapis les revendications du mouvement social et de tout sacrifier au budget de la défense nationale et au multinational de l'armement. Enfin, pour le national, Palestine, alors que l'armée israélienne reprend ses bombardements sur Gaza avec un Netanyahou qui écarte le chef du Sinn Bet, eu égard à ses états d'âme sur le fait de et fait revenir son ministre de l'Intérieur opposé au cessez-le-feu, Attaque mène toujours une campagne pour le cessez-le-feu avec la FPS et le mouvement BDS. Pas de paix sans justice, pas de justice sans décolonisation, solidarité avec la Palestine, le Figaro Magazine va encore nous traiter d'islamo-gauchistes. Bah oui. Et bien, je pense au local avec le Mercosur. On a toujours en prévision un débat public avec les amis du monde diplomatique et puis un auteur d'un article sur le Mercosur dans les dernières éditions du monde diplomatique. Bouge ta planète, ce sera le 6 avril à la salle polyvalente de Templeuve, à l'initiative du CCFD Terre Solidaire et d'Attaque. Christophe Aguiton, qui est chargé à l'international, de l'international à Attaque, interviendra à 15h. Tour de France Santé, une réunion en préparation a eu lieu le 27 mars autour du Tour de France de la Santé pour envisager les ripostes au PLFSS, donc plan, vous m'évidez là, projet de loi de financement de la sécurité sociale, merci. Et à tous les dangers qui pèsent sur la santé et la sécurité sociale, nombreuses initiatives à prévoir. Eh bien, on y revient, 80 ans de la Sécu, ça se fête. On a déjà pas mal de réunions pour l'organiser. Et on a fixé une date, le 13 juin, et ça se passera à la Bourse du Travail, ça me semble complètement évident. Travail, l'association pour la mémoire des morts du travail, dans le but de promouvoir la mise en place d'un lieu de mémoire destiné à commémorer le souvenir des travailleurs morts au travail et des victimes des pathologies résultant des conditions de travail pathogènes. On envisage une action le 1er mai. Cette association, dont Attaque est désormais membre du conseil d'administration, a pour objet de rendre hommage aux morts du travail, ceux qui ne font pas la une des journaux télévisés, contrairement à ceux et à celles qui font de certains faits divers, qui le font sur certains sites divers. Oui, il faut savoir, il y a une invisibilisation de la mort au travail qui est absolument sidérante en France, qui détient le record d'Europe, d'ailleurs, des morts au travail, d'accidents du travail. C'est vrai. Bon, bien sûr que c'est vrai. Festival Film Citoyen, alors là, c'est une très très bonne initiative, et c'était l'occasion pour le comité local Attaque-Roubaix, Tourcoing, de proposer le film de Yann Kergoat, Personne n'y comprend rien, au cinéma Le Frénois, le 23 mars. Un travail journalistique exemplaire sur les affaires libyennes du citoyen Sarkozy, c'est édifiant. Et vous savez que le procureur a demandé 7 ans de prison à Sarkozy, 3 ans à Guédo et à Guéant et à Hortefeux. Ce serait son meilleur septennat. Oui, ça c'est salaud. Pour le canal, je crois qu'on a dit quasiment tout. Le conseil régional, le rassemblement devant le conseil régional le 21 mars, voilà. Et peut-être qu'on a une réunion le 5 avril, Didier. Le 5 avril, oui, il y a un rassemblement donc à 11h devant la BNP dans le cadre de la campagne BDS, attaque AFPS, donc contre les banques qui financent Israël et son armée. Oui, et du coup, ils financent effectivement les investissements dans les territoires occupés. Absolument. On va terminer par... La presse pas pareil. Donc, la presse pas pareil, c'est devenu une rubrique habituelle. Donc, je souhaite parler de la disparition de Ciné Mensuel. Donc, un mensuel, comme son nom l'indique, qui réunissait quand même pas mal d'anciennes plumes de Charlie Hebdo, enfin des survivants de Charlie Hebdo, avec tous les dessinateurs assez engagés dans le dessin de presse. Ça avait été créé en 2008 avec Ciné Hebdo, donc qui était justement au moment où Ciné s'est fait virer de Charlie Hebdo sous prétexte d'antisémitisme. Il avait critiqué le mariage du fils Sarkozy avec une fille d'Arty. Donc la polémique avait fait grand bruit, notamment relayée par Claude Oskalevitch. Et finalement, Val l'avait viré. Val qui était devenu par la suite, avec l'élection de Sarkozy, président de France Inter. Enfin, donc, ouais. Tout ça concorde assez bien. Donc en 2011, c'est devenu le Ciné Mensuel. Donc Ciné qui est décédé en 2016, mais enfin son esprit est demeuré. Avec quand même des articles assez toniques, assez révoltés et généralement bien informés sur le social, sur l'écologie, enfin sur tout ce qui nous anime ici. Et donc on peut regretter une nouvelle fois la disparition d'un mensuel de presse papier qui malgré tout faisait une petite opposition par rapport à la presse pourrie qu'on connaît. J'ai parlé des Bolloré, des Sterrin et des Arnaud et j'en passe. Voilà, donc mars 2025, c'était le dernier numéro, un numéro assez fourni que vous pouvez encore vous procurer. Un collector carrément. Hein. Collector, mais Ciné Mensuel, on avait marre de faire la manche et de faire le bol. Voilà, ils sont partis et c'est très triste. Nous sommes tout à fait d'accord, Didier. Et puis j'ai toujours en tête cette expression de Ciné, ma vie, mon œuvre, mon cul. Mon cul. Ouais. Et Banzai à la fin. Voilà. Bon, eh bien, sur cette note un peu triste, on va terminer cette émission en vous souhaitant un excellent week-end. En vous disant que la prochaine émission aura lieu, je crois, le 20 avril. 19 avril. 19, ah oui. 19. Tu en dis un mot, peut-être On va parler de l'intelligence artificielle et du rapport aux médias. En quoi c'est une menace pour nos médias qui sont déjà bien malmenés. Est-ce que le canal a eu déjà un rapport avec l'intelligence artificielle? Ça serait peut-être pas mal, ça. Doucement, il me semble qu'il y a un projet de serveur hébergé le long du canal. Donc, pas certaine à creuser, mais il y a des ponts à faire. D'accord. À creuser comme le canal. Exactement. Bien, bon week-end à tous. On se quitte avec encore une fois les goguettes, tant qu'on y est. Militants, donc financiers, actionnaires, de tous les pays. Unissez-vous. De la terre, debout ceux qui n'ont jamais faim. Le champagne hurle dans nos verres, c'est le cocktail de la faim. Du buffet, faisons table rase, les toasts debout.